maman, pour assaisonner sa maman, pour faire sauter les bouchons et pour offrir les cornichons. Pour décocher à tout propos, pour un malade cholimot, c'est moi le coq dans cet emploi, nul ne peut lutter avec moi. Je suis le major, je suis le major, par du tout routine, d'une façon fine, parlez le major, parlez le major. Je suis le major, je suis le major, par du tout l'on joue, par du tout l'on floue, parlez le major, le major. Oui, je découpe, fais sauter la coupe, oui, je découpe, fais sauter la coupe. Je suis le major. Toujours après le dîner, pour un fille qu'il faut cartonner, pas cara ou bien lansquenet, j'ai dans ma poche un chou tout près. Mais c'est surtout à l'écarter que brille ma dextérité. Et quand il faut tourner le roi, nul ne peut lutter avec moi. Je suis le major, je suis le major, paré de tourantine d'une façon fine, paré le major, paré le major. Je suis le major, je suis le major, partout où l'on joue, partout où l'on floue, paré le major, le major. Oui, je coupe, je découpe, fais sauter la coupe, oui, je coupe, je découpe, fais sauter la coupe. Je suis le major, le major.